Music, please. C'est une affaire de famille, comme arsenic. Mon show, c'est plus que du bruit, c'est de l'arsenic. Mais voir le QG, ayant l'ostalgie, toujours fidèle au groupe. Les best bars, ils veulent faire comme nous, peu importe, fuck les bastons. D-R-N.